moi c'est Jules, moi c'est l'OVNI, moi c'est le J, moi c'est la machine. Premier sous, t'es sur ma chaîne. J'suis dans l'usine, un peu comme en Chine. H9, j'ai même pas envie de compter le BNF. J'regarde la ville, le péto sur les lèvres. Le maître aura toujours un coup d'avant sur les lèvres. J'suis amoroso, comme Gigi. J'veux la maison, comme Puff Daddy. Pour moi, tu ne vaux plus grand chose. Donc j'm'en fous de tout ce que t'as dit. J'suis dans l'RS3, rouge, sang. Le moteur il donne des pulsions. Des fois, plein de problèmes dans ma tête. J'ai fait des albums à 10%. Toujours en claquette, doré de platine. J'ai pas changé, même à la trentaine. On fait du cross en crabe au pic. On en fume à la vie à l'antenne. On n'est pas du genre à soucier les autres. On n'est pas du genre à abandonner. Comme j'ai dit, gentil, c'est pas un métier. J'crois qu'ils savent pas qui on est. J'fais la magouille, j'fais la vadrouille. Et au quartier, j'fais courir la patrouille. J'fais la bataille, j'ai pas taille. Et j'ai des DV à porter les courses. Mais sauf que moi, j'tendais pas de médailles. J'suis pas trop Dubaï, héros de la caille, caille, caille. Du 1-3, dur, dur, dur de style. Dur de voir l'espoir quand la vie t'encaille. J'fais de la taille, et de temps en temps, ben je vide la taille. Les sous, ça tombe pas du ciel. Faut aller au charbon pour avoir sa paye. J'ai pas souffert toutes ces années pour qu'on me dise qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Gambert, j'avais zéro dans le compte, pensais que j'allais jamais voir Paris. J'ai pas connu le monde parfait, j'aurais pu finir par vendre des parfums. Faire la sécu à Carrefour, ou vendre des barrettes par vin. Moi, je sais que je suis bien dans ma tête, je pouvais venir à plein. Je suis gentil, mais si je veux, je les fais courir comme des lapins. Et on m'a dit, du doule, continue, fais comme tu le sens, personne qui t'arrête. Ils veulent du Jules d'avant, après ils se plaignent que c'est toujours pareil, on en comprendait. Vous pouvez me piquer, j'ai le cœur blindé. J'avance doucement, normal, je suis en indé. Tête sur les épaules, tu vas pas me dinder. J'ai la raille teintée, j'ai jamais tiré. Mais je sais viser, donc tu peux te guinter. J'ai pas teinté, je suis dans le game, mais j'ai la mentale, tu connais. Piqué Blinders, pas des vivitons, que soit Reebok, Nike ou Decathlon. La mise, elle est belle, elle a tout ce qu'il faut. C'est pas sa faute si elle tombe sur des gars cons. J'aurais pu être un mauvais garçon, j'aurais pu finir maçon, mais pas maton. L'idée sens, il explose. On dit merci qui, on dit merci Macron. Ouais, c'est la crise. Oh, mec, faut encore que je les traumatise. Ouais, c'est la crise. Oh, mec, j'ai encore changé l'audit grise. Comme en 2010, la plume, j'aiguise. Ce que pour les braquer si je me déguise. J'entends qu'un fils de, il parle de moi. Et ce fils de, je sais même pas c'est qui. Ce suskiki. Il faut que ça pète. Faut pas déconner dans la zone. On sait qui fait des sous. Marseille, ça a bien changé. Tu sais plus qui peut te tirer dessus. Ah.